Vas-y, Squire, continue celle-là, là. Continue ta progression, là. Vas-y, continue, continue. Vas-y, vas-y pour ta progression. Je vais improviser un chant dessus. Même si je chante très, très, très mal, je vais improviser un chant. Non, le truc de tout à l'heure, c'était beaucoup de mineurs. S'il te plaît. Squire, j'ai un truc à te proposer. Ça dirait qu'on te fait une vidéo 5, une synchronisation vidéo, quoi. Je te mets sur le logiciel, comme ça on synchronise, comme ça tu vois ce que je fais et puis t'arrives à suivre en même temps ce que je fais, quoi. Je suis un peu en mode fatigué, mais c'est une proposition que je te donne. Si ça te dit, hein. Thank you.